Aujourd'hui, à l'émission Le Grain de Sable d'Ata Québec, on discute de notre obsession envers la croissance économique avec Yannick Marcil, suivi de l'éditorial du président d'Ata Québec, Claude Vaillancourt. Et ensuite, ce sera la chronique de l'actualité économique américaine avec Robert Jasmin en seconde partie d'émission. Le Grain de Sable d'Ata Québec. Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous retrouve en ce 23 février 2013 pour l'émission Le Grain de Sable d'Ata Québec. Aujourd'hui, alors, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec l'économiste Yannick Marcil sur la notion de croissance économique, ses dangers et ce que pourrait être une approche alternative. Et oui, ça existe. Par la suite, évidemment, nous allons écouter l'éditorial du président d'Ata Québec, Claude Vaillancourt. Et ensuite, en seconde partie d'émission, ce sera la chronique de Robert Jasmin. Donc aujourd'hui, il nous fera découvrir Ayn Rand. Donc, c'est une femme qui a exercé et qui exerce encore une certaine influence sur la philosophie de l'économie américaine par un livre qu'elle a écrit. Alors, il va pouvoir nous en parler davantage et ainsi, il va également nous parler d'un article qui a paru dernièrement dans une revue scientifique dont le titre est « Être américain n'est pas très bon pour la santé ». Alors, j'espère que ça pique votre curiosité et on se retrouve tout de suite après. On écoute d'abord « Ici d'ailleurs » avec les hurlements de Léo. D'ailleurs, la misère a pu traîner ses grolles. Que vole l'illusion, le bien-être à l'optique. Un homme tient un carton, quelques francs pour manger. Il n'est pas cinéphile, je lui demande pardon. Je lui passe le vent, je fais mine, je n'ai pas le temps. J'essuie donc la misère par un simple sourire, les moelles misérables dans mes petits souliers. Ici, d'ailleurs, la misère a étreint ses mères. T'as de branleur en fonction, pas doué pour un rond, nous donne l'illusion du bien-être politique. Un homme sous un carton, pas de lieu pour dormir. Il n'est pas cinéphile, je lui demande pardon. Et c'est facile. Je lui passe le vent, je fais mine, je ne le vois pas. J'essuie donc la misère en ne la regardant pas. Les moelles misérables dans mon petit meublé. Ici, d'ailleurs, la misère a vu tomber ses braves. Que vole l'illusion, hypocrisie collective. Un homme est mort de froid, fait l'hiver dans la bouteille. Je noie dans ma colère, à grand renfort de bière. C'est ma tournée générale. Alors, vous venez d'entendre le groupe Les Hurlements de Léo dans la chanson « Ici, d'ailleurs ». Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous écoutez Le Grain de Sable et aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'avoir une entrevue avec Yannick Marcil. Alors, Yannick Marcil, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais rappeler aux auditeurs que vous êtes économiste et que vous tenez le blog Punkonomie, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est sur le site Voir. Et vous êtes intervenu à quelques reprises dans notre émission, je me rappelle très bien. Et nous sommes encore très contents de faire profiter à nos auditeurs de vos lumières et également de votre expertise. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au concept qu'on entend de plus en plus souvent. Et souvent, on le mesure pas vraiment toute la portée. Alors, c'est le concept de la croissance économique. C'est vraiment devenu un des mots-clés, bon, non seulement en économie, je pense que vous allez pouvoir en parler davantage, mais aussi chez nos politiciens. En effet, mais en fait, c'est la croissance économique, depuis un très long moment, est devenue une espèce de dogme, en quelque sorte, à la fois économique et politique, comme vous venez de le dire. Hors de la croissance, point de salut, en quelque sorte, hein, on est incapable de concevoir l'évolution de notre économie sans croissance. Ah oui, donc c'est ça, c'est vraiment la société doit croître via la croissance économique. Et récemment, c'est ça, vous nous avez, c'est ça, il a paru dans le texte « Comment guérir de notre dépendance à la croissance ». Donc c'est par, là, peut-être que vous allez me reprendre, là, mais par Irmi Sild et Angelica O'Shant. Alors, tous deux économistes dans le monde économique, donc désolé pour la prononciation, mais enfin, dans ce texte, on y apprend que la croissance économique est une obsession des économiques depuis les années 1950 seulement. Donc, avant ça, ce n'était pas le cas, semble-t-il. Vous-même, dans un billet que vous avez récemment écrit, vous avez rappelé le rapport Halte à la croissance du Club de Rome. Peut-être nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est là, pour nos auditeurs. Donc, c'est un rapport qui a paru il y a 40 ans, je crois. Exactement, 41 ans pour être très précis, d'accord. En 72. En 72, d'accord. Et qu'est-ce que ça signifiait? L'idée de croissance est relativement récente, c'est-à-dire qu'on a commencé à croire que, disons, dans l'entre-deux-guerres, les économistes ont commencé à réfléchir à cette notion-là et à penser que nos économies pouvaient croître sans cesse. Donc, autrement dit, augmenter tout simplement la production de biens et de services année après année. Et que le rôle de l'économie en quelque part, ou la science économique était d'expliquer cette croissance-là et d'en trouver les déterminants qui sont assez simples. Hein? L'économie croît grosso modo pour trois raisons. Soit la démographie, c'est-à-dire on est de plus en plus sur Terre, donc on est plus à consommer et à produire, donc la totalité de ce qu'on produit augmente avec le nombre d'humains sur la planète. Deuxièmement, un autre déterminant de la croissance, c'est l'exploitation des ressources naturelles qui crée de la richesse. Mm-hmm. C'est de la croissance. Et finalement, l'innovation technologique qui permet de produire plus avec moins. Donc, le même nombre d'heures travaillées produit davantage de biens et de services. Or, dans ce rapport Halte à la croissance, qui en fait était une simulation de l'évolution de l'ensemble de l'économie du monde et même de la société pour les 100 prochaines années, en quelque sorte, okay. Des chercheurs du MIT ont déterminé que, donc on fait des scénarios, et se sont rendus compte que, dépendant des variables ou des hypothèses que l'on posait, il y allait avoir, nous allions frapper un mur à un certain moment donné. Ah bon? Pourquoi? Ben parce que je vous ai dit que les trois grands déterminants, c'est la démographie, les ressources naturelles ou l'innovation technologique. Ben dans le premier cas, à un moment donné, on va être juste trop sur la Terre. Dans le deuxième, on n'aura plus les ressources parce que les ressources naturelles ne sont pas toutes renouvelables, mm-hmm. Surtout celles sur lesquelles on s'appuie économiquement, savoir par exemple les minerais et le pétrole, mm-hmm. principalement. Et les innovations technologiques, prétendait-il, ne suivraient pas assez rapidement le rythme de la dégradation de notre environnement au sens très large du terme pour compenser, autrement dit, les méfaits de notre développement économique. Et que, à terme, la pollution, la dégradation des ressources naturelles et la surpopulation allaient tout simplement bloquer la machine telle qu'on la connaît. Alors, ce que vous me dites, juste avant de continuer, alors ce rapport-là, 41 ans plus tôt, prédisait un petit peu ce genre de scénario-là. Exact. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ces gens-là ont passé pendant 20 ans pour des hurluberlus, des espèces de, ah oui. De rêveurs qui n'avaient pas foi en l'humanité, en sa capacité à se développer, notamment technologiquement. Or, quand on met à jour le scénario qui était baptisé Business as usual, c'est-à-dire on continue à faire comme on a toujours fait depuis 20-30 ans à ce moment-là, donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais on allait frapper un mur, les littéralement. La machine a arrêté de fonctionner à peu près au milieu du 21e siècle. Ah bon? Soit dans 30 à 40 ans d'ici. Donc, la croissance allait cesser. Et pire que ça, c'est-à-dire que l'ensemble de ce développement-là allait créer des problèmes environnementaux, sociaux, politiques, etc., qui allaient être très, très menaçants pour l'ensemble de nos sociétés. Bon, on dirait que ça se manifeste tranquillement, tout ça, hein? Malheureusement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense. C'est qu'on met à jour cette simulation-là à peu près, à tous les 10 ans. Okay. Et ça demeure vrai. Ah, donc, oui. Le scénario qui avait été établi en 1972 demeure valide. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un horizon, grosso modo, si on est relativement généreux, de 30 à 40 ans devant nous avant de renverser la vapeur pour ne pas avoir une catastrophe complète. Que de défis. Alors, pourquoi, oui. Pourquoi, dans le fond, la croissance a pris tant d'importance de nos jours? Ben, c'est parce que c'est une logique, c'est la logique même du système dans lequel on est. Okay. Si on stoppe la croissance, donc si ce qu'on connaît, par exemple, lors d'une récession, c'est-à-dire que les entreprises, les consommateurs consomment un peu moins parce qu'ils ont peur, par exemple, de perdre leur emploi. Donc, les entreprises vendent moins de produits, en produisent moins. Étant donné qu'ils produisent moins de produits, ben ils embauchent moins de travailleurs, voire qu'ils en mettent à pied. S'il y a des travailleurs qui sont mis à pied, ils consomment encore moins, ce qui nous rend dans une spirale descendante. Donc, sans croissance, le système ne fonctionne pas, effectivement. Oh. Donc, c'est une idéologie qui est celle du libéralisme économique, au sens très large du terme, mais c'est une réalité aussi. La logique de notre système, la logique fiscale, la logique économique, la logique de développement industriel, fait en sorte qu'on a besoin de croissance pour que la machine continue à fonctionner, tout simplement. Mm-hmm. Alors, c'est quand même... on est vraiment un petit peu lié à ça, mais cette obsession de la croissance, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un peu pernicieux? Ben oui, parce que en quelque sorte, ça nous mène à la logique dont je vous ai parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire que puisqu'on n'a pas le choix d'avoir de la croissance pour continuer à faire fonctionner ce système économique-là, on continue donc à appuyer cette croissance sur une surconsommation, sur une surutilisation des ressources naturelles, etc. Donc, elle est pernicieuse parce qu'à terme, elle nous mène aux catastrophes prédites par ce rapport du Club de Rome. Donc, oui, oui. Fondamentalement, elle nous mène à un épuisement écologique, démographique, etc., de la planète, qui fait en sorte qu'on se dirige vers un monde qui ne sera pas celui qu'on a connu dans les dernières 40 ou 50 ans. Oui, assez troublant, mais est-ce qu'il y a des alternatives? Oui et non. C'est-à-dire que je ne voudrais pas faire mon procès de malheur puis dire qu'on s'en va nécessairement vers un mur. Oui, il y a des alternatives, mais elles nécessitent un travail colossal. C'est-à-dire que les alternatives, c'est bon, qu'est-ce qui s'oppose à la croissance? D'abord, ça pourrait être une croissance nulle. Autrement dit, on stabilise la production économique année après année, mais pour faire ça, il faut que les entreprises sortent complètement de leur logique elle-même de croissance annuelle. Hein, une entreprise cherche à faire de plus en plus d'argent année après année, c'est la logique même du capitalisme. Donc, on s'entend qu'on va contre une logique profondément ancrée dans notre système économique. Il y a même plusieurs personnes, plusieurs groupes, plusieurs mouvements intellectuels, etc., qui favorisent, et c'est assez populaire depuis quelques années, une décroissance même. Mm-hmm. C'est-à-dire produire de moins en moins année après année. Mais l'impact, il est où, là? C'est qu'on va s'appauvrir année après année. Est-ce que individuellement et collectivement, on est prêt à ça? On est très, très loin de ça. Donc, oui, il existe des alternatives. Le problème, c'est que elles sont extrêmement difficiles à mettre en place parce qu'on doit renverser complètement une logique intrinsèque à notre système. Et d'autre part, par contre, si on ne le fait pas de façon planifiée, avec des gros guillemets, il risque d'arriver, c'est qu'on va être obligé de le faire parce que ça va simplement nous péter à la figure, excusez l'expression. Oui, oui. On va être obligé de changer radicalement notre mode de vie parce qu'il n'y aura plus de blé. On n'aura plus de pain parce que le blé va coûter trop cher ou il ne sera plus disponible qu'à une mince classe de la population mondiale. Donc, avant d'en arriver là, et on peut imaginer les conséquences que ça a sociales, politiques, il va falloir changer radicalement nos modes de vie, Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, évidemment, pour se rendre là. Donc, peut-être moins de châteaux qui vont se construire, des grandes maisons, tout ça, en tout cas. Mais vous dites un petit peu que c'est ça, en tout cas, il y a également l'article du Monde économique, il y a un passage intéressant. Donc, le passage à la post-croissance est inévitable, un petit peu ce que vous nous dites, là. Il serait préférable d'y arriver, comme le point l'économiste canadien Peter Victor. Donc, par la voie du dessin plutôt que celle du désastre, un petit peu ce que vous venez de nous dire, dans le fond. Oui, exactement. Puis, en fait, il y a urgence présentement de limiter les dégâts. Hein? C'est-à-dire que là, il faut aller au plus urgent. Essayer de voir comment on est capable socialement de limiter l'arrivée ou l'ampleur de ce désastre-là en question. Donc, il y a des urgences présentement auxquelles on doit faire face. Mais ça nécessite de passer par la politique, ça nécessite de passer par la communauté. Ça se fait pas individuellement parce que il y a 5% de la population ou 10% de la population qui va manger bio local. Ça sera pas suffisant. Il va falloir passer par que collectivement on décide de transformer les choses de façon radicale et idéalement partout sur la planète. Mais aller dire ça aux Indiens ou aux Chinois qui commencent à s'enrichir, de leur dire, ben oui, vous voulez imiter notre modèle de consommation et d'enrichissement occidental, ben ils vont vous rire à la figure parce que ils vont dire, ben vous en avez profité depuis 50 ans, puis là, nous, on n'aura plus le droit de le faire. Alors, on n'est pas sortis de l'auberge, ça, c'est clair. Ah, c'est clair, oui. Dernièrement, également, ils en ont parlé, je crois, là, des vastes étendues là, en Chine. Il y a vraiment des grands terrains là, qui sont utilisés là, justement pour des déchets là, en tout cas de justement cette la oui, production on, de on reste, oui excusez-moi ce que j'allais dire c'est que on reste dans les pays en développement comme on les appelait avant ou les économies émergentes on reprend le modèle occidental des années 50 où l'avenir économique est coloré et joyeux, alors que c'est pas vrai. Là. Maintenant, l'avenir, là, il est plus coloré, il est brun et triste. C'est aussi simple que ça. Mais l'idéologie est encore en place. Et renverser une idéologie, c'est probablement la chose la plus difficile à faire au monde parce que c'est profondément ancré dans notre politique, dans nos symboles, dans nos valeurs. Également. Oui, oui, c'est ça, exactement. Probablement, il y a quelques résistances en espérant que ça se passe pas trop houleusement, là, enfin. Est-ce que vous avez... Il faut rester optimiste. Oui, c'est ça. Donc, mais merci beaucoup, Yannick Marcil, de nous avoir à nouveau éclairé. Alors, je rappelle que vous êtes économiste et que les auditeurs peuvent vous lire sur le blog Ponconomie à l'adresse de voir.ca. Yannick Marcil. Alors, merci beaucoup. Alors, au revoir. Alors, ce sera maintenant le temps de la chanson du groupe Trio, un groupe que j'adore, avec la chanson « Tomber mal ». Je tombe, ça fait mal. Tu creuses ma tombe, c'est du banal. Un stade par seconde en moyenne dans le monde. La déforestation n'intéresse pas l'opinion. Quand je tombe, tu te fais mal. Mais je crois que tu comprends que dalle. Qu'à chacune de mes feuilles que tu pilles, c'est un peu moins d'oxygène pour ta ville. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tombez là. Mal, mais je crois que tu comprends que dalle, que t'entraves pas quand on te parle, trop pris dans ta conquête du capital. Quand je tombe, tu fais mal, toi le roi du règne animal, quand t'auras plus d'oxygène dans les veines, tu te rappelleras qui était vieux chêne. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, tombé là. La peine. Quand je vois qu'il n'y a pas que sur moi que tu te déchaînes, ta race s'est accaparée la haine. Y'a tout pour vous entretuer, même pas les hyènes. Franchement, tu me fais de la peine. Tu vois pas ce qui est beau et tu te malmènes. Tu utilises tes connaissances pour mieux pourrir ton existence. bisé à signot bine minkouga ne bora. Mais c'est qui les voit, Kabile bisé à signot bine me chibine mi sola. Kouganingé. Quand je tombe, tu te fais mal. Mais bon, faut croire que t'aimes ça. Ton teint est de plus en plus pâle. Je crois que c'est la fin de ton règne, l'animal. Quand je tombe, tu te fais mal. Petit homme rachitique amiral. Utopique, un trou dans la cale comme le Titanic, la mer d'aval. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, tombé là, mal tombé. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, tombé mal. Asoje, asoje, anangaye, mais c'est qui les ivoué? Nangaye, asoje, asoje. On aurait pu se faire une vie saine si t'avais insufflé un petit peu d'oxygène à quelques jeunes pousses de chêne. Timmy le bissé, Yassine, Don Bine, Minkouga, Nebora. Mais c'est qui les ivoué? Kabi le bissé, Yassine, Don Bine, Michi, Bine, Misona. Alors voilà, c'était le groupe Trio, un groupe très conscientisé au niveau politique et des enjeux socio-économiques actuels. Alors c'était la chanson « Tomber mal ». Maintenant, c'est l'heure de l'éditorial du président d'Atta Québec, Claude Vaillancourt. Alors Michel, de quoi sera-t-il question cette semaine? Avant de dire de quoi il va être question, je voudrais préciser que j'aime aussi beaucoup le groupe Trio. Ah oui, vraiment. Ils sont très conscientisés environnementalement. Cette semaine, Claude Vaillancourt va nous parler de la base, de l'érosion de la base d'imposition. D'ailleurs, Yannick Marcil, tantôt, disait qu'on veut de plus en plus croître pour, entre autres, obtenir des revenus d'impôts. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on en soutire de moins en moins à ceux qui ont de plus en plus d'argent dans leur poche. On écoute Claude Vaillancourt. En cette époque de plans d'austérité et de rigueur budgétaire, on a maintes fois répété que chacun doit faire sa juste part. Quand on parle de juste part, la première démarche, ça consiste en général à payer ses impôts. Ce que nous faisons, vous et moi, on n'a pas tellement le choix. L'automne dernier, cependant, en Europe, plusieurs scandales nous ont révélé que des multinationales ne font pas leur juste part, dont les plus grandes et les plus connues, Apple, Microsoft, les cafés Starbucks, Amazon, Google, pour n'en nommer que quelques-unes. Par exemple, avec 750 boutiques au Royaume-Uni, Starbucks ne paie pas d'impôts parce que, en principe, elle ne générerait aucun bénéfice. Ces compagnies parviennent à réaliser ces exploits par des montages financiers d'une grande complexité en ayant massivement recours à ce qu'on appelle le prix de transfert qui fait que les profits se réalisent dans des paradis fiscaux. Les pertes sont considérables pour les États, à un point tel que l'OCDE vient de produire un rapport sur l'érosion de la base d'imposition. Le rapport montre à quel point la situation est devenue absurde. Par exemple, les pays aussi minuscules que la Barbade, les Bermudes et les îles Vierges britanniques ont reçu plus d'investissements étrangers en 2010 que l'Allemagne ou le Japon. Le rapport montre aussi à quel point la situation est discriminatoire. Les compagnies qui agissent à l'échelle internationale ont d'immenses privilèges fiscaux, alors que les autres, plus petites, doivent contribuer de façon nettement plus significative à l'impôt. Devient donc plus nécessaire que jamais d'agir. Mais on se retrouve dans une drôle de position. D'une part, l'OCDE est en partie responsable des déviations qu'elle dénonce. Elle a créé le modèle des traités sur la double imposition qui facilite les magouilles fiscales des grandes compagnies. Elle a toujours défendu des principes néolibéraux de déréglementation et de désengagement de l'État. D'autre part, elle est l'organisation internationale à qui on a confié cette tâche de s'attaquer aux paradis fiscaux. Jusqu'à maintenant, Son travail n'est pas très impressionnant. Quelques données statistiques intéressantes et une classification bidon des paradis fiscaux en trois catégories, les noirs, les gris et les blancs. Il est toutefois intéressant que l'OMC se donne, je cite, « un plan d'action en partenariat avec les pouvoirs publics et avec les entreprises afin de renforcer l'intégrité du système fiscal mondial », rien de moins. Reste à savoir si ce partenariat avec les entreprises donnera les résultats attendus. L'engagement a le mérite d'être clair et net, il sera possible alors de demander des comptes. On est obligé de compter sur la seule organisation internationale qui cherche à faire avancer ce dossier, aussi imparfaite soit-elle, d'où l'importance pour le mouvement social de continuer à suivre attentivement ce qui se passe. Au fait, qu'en est-il du Canada? Ces grandes compagnies qui ne paient pas d'impôts en Europe ont aucune raison d'en payer ici. Toutes les échappatoires fiscales sont en place pour leur faciliter la tâche. Des gros montants échappent, bien sûr, à l'impôt, avec la complicité du gouvernement Harper qui leur a fait de très beaux cadeaux. Nous y reviendrons. Alors voilà, c'était l'éditorial du président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Alors, tout qu'un défi pour réformer le système fiscal mondial, n'est-ce pas, Michel? Tout un défi, en effet, oui. Et parlant de façon peut-être de réformer le système mondial, en tout cas d'y réfléchir, peut-être on va en profiter pour signaler le Forum social mondial qui s'appelle Dignité Camara cette année, qui va se dérouler à Tunis du 26 au 30 mars 2013. On le sait qu'en Tunisie, c'est quand même pas facile. Il y a une transition vers la démocratie, mais qui n'est pas nécessairement facile. Alors, c'est d'autant plus important que le maximum de mouvements, d'associations, de syndicats collectifs, de réseaux se présentent à ce Forum social mondial. Il va y en avoir déjà beaucoup, soit du Maghreb, soit du Maghreb, d'Arabie subsaharienne, des Amériques aussi, d'Europe, du reste du monde. En fait, de partout, on attend déjà 4000 organisations et réseaux à ce Forum social mondial. C'est quand même beaucoup de monde. Alors, donc, il est important que ces gens-là conquièrent un maximum de gens pour aller manifester la solidarité envers les Tunisiens, mais aussi réfléchir à un avenir alternatif au développement du capitalisme. Et oui, tout à fait. Et juste un rappel, ça se passe quand? Ça se passe du 26 au 30 mars 2013. Merci beaucoup, Michel. Bienvenue. Alors, on se retrouve tout de suite après ces quelques publicités. Oui. Alors, vous êtes sur les ondes CKRL, la radio qui cultive vos goûts. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est, et au Dorsay, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Parce qu'aujourd'hui, vous aurez choisi d'agir ou de ne rien faire, votre retraite pourrait ressembler à se rafraîchir au lac ou se rafraîchir au sous-sol, sortir au resto ou ouvrir le frigo, aller voir un film ou regarder des reprises, ne pas voir le temps passer ou attendre que le temps passe. Calculez dès maintenant combien d'argent vous aurez besoin à la retraite sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Vous pourriez même gagner 1 500 $ en épargne retraite. Un message de la Régie des rentes du Québec. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Maintenant à la barberie, En plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. CKRL 89.1. Québec. Alors, nous sommes de retour au Grain de sable. Vous écoutez le Grain de sable d'Atta Québec sur les ondes de CKRL 89.1 et je trouve que la musique que vous venez d'entendre introduit très bien le sujet auquel on va aborder avec notre chroniqueur Robert Jasmin, l'Évangile selon Ayn Rand, entre autres, n'est-ce pas? Bonjour Robert. Bonjour. Et aussi, on va aborder dans la deuxième partie de votre chronique quelques données sur la situation économique et sociale des États-Unis. Alors, premier sujet, l'Évangile selon Ayn Rand. D'abord, qui est Ayn Rand et pourquoi l'Évangile? Alors, Ayn Rand, c'est un nom de plume que cette dame s'est donnée comme romancière. Mais je dirais d'elle qu'elle est beaucoup plus une idéologue d'extrême droite qui s'est servie du roman comme véhicule pour ses idées tordues. Ayn Rand est née en Russie en 1905 et elle a émigré aux États-Unis après la Révolution. Et c'est aux États-Unis qu'elle a sévi toute sa vie jusqu'à sa mort en 82. Mais là, tu parlais d'Évangile. Oui. Oui, parce que j'avais pas d'autres mots. C'est parce que ceux qui se réclament de son idéologie suivent sa parole à la manière des croyants. Ah oui. Son livre majeur, qui est, sans jeu de mots, la Bible de tous les milliardaires, s'intitule « Atlas Shrugged » ou, en français, le livre est connu avec son titre français « La grève ». C'est, dit-on, le livre le plus vendu aux États-Unis après la Bible. Alors, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'on propage dans ce livre qui était tellement vendu, n'est-ce pas? Et puis, c'est son idéologie. En fait, il n'y a qu'un mot pour résumer toute sa pensée. Allons-y droitement, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Ce qu'elle défend dans son roman, c'est la philosophie du chacun pour soi, poussé à son extrême limite. Mais il ne faudrait pas croire pour autant que sa pensée est marginale. Voici ce que deux intellectuels américains écrivaient il y a deux semaines, Tom Hartman et Sam Sachs. Ils écrivent ceci, et c'est récent. 30 ans après la mort d'Ayn Rand, sa philosophie de l'égoïsme et de la mise au pouvoir des milliardaires règne sur le monde. Étonnant. Alors, c'est pas, on peut plus parler de marginal. Là. Non, non. C'est assez remarquable quand même pour une idéologie qui, pendant toute la vie de celle qui l'a répandue, a été ridiculisée puis marginalisée. Ah oui. Ouais. Aujourd'hui, les États-Unis et d'autres gouvernements de pays riches s'effondrent, alors que les milliardaires et les corporations transnationales sont au vrai pouvoir un peu partout. Alors, dans ses plus beaux rêves, Ayn Rand n'aurait jamais pu imaginer une telle victoire. Ah, c'est incroyable quand même. Et, mais quelle était précisément sa philosophie? Alors, si on veut répondre simplement et directement, disons qu'Ayn Rand haïssait les gouvernements et la démocratie, mmh, tout simplement. Mmh. Elle considérait l'impôt comme du vol et était contre toute réglementation. Pour elle, la liberté de chacun devait être absolue. Elle allait jusqu'à dire qu'il ne fallait même pas prévoir de services sociaux pour les pauvres et les malades. Elle disait que le monde était divisé. D'un côté, les « makers », ceux qui accomplissent quelque chose, et de l'autre, les « takers », ceux qui prenaient. Dit autrement, ça signifiait que d'un côté, vous aviez les milliardaires et les dirigeants industriels, ceux qui, selon elle, tenaient le monde dans leurs mains, d'où le mot « atlas ». On sait qu'Atlas, chez les Grecs anciens, était le personnage de la mythologie qui soutenait la Terre. Alors, on dit que les milliardaires et les dirigeants industriels, c'est eux qui soutiennent la Terre. De l'autre côté, vous avez les preneurs, c'est-à-dire tous les autres qui ne sont pas riches ou privilégiés ou qui croient qu'un gouvernement démocratique doit donner les services essentiels de base, favoriser le droit d'association et réglementer l'économie. Alors, je présume qu'il n'était pas question pour elle que le gouvernement prévoie une quelconque assurance maladie ou assurance chômage ou une assurance... Il n'y avait rien de tout ça, là. Non, exactement. Elle ne croyait pas que les milliardaires doivent aider par leurs impôts soit à assurer la santé ou l'éducation pour tous. Elle allait jusqu'à dire que non seulement c'était malsain pour l'économie, mais elle disait encore que c'était immoral. Wow! C'est une façon de voir les choses. Ouais, selon sa grille de valeur. Oui, oui, exactement. Et elle est décédée, n'est-ce pas, en 1982, donc ça fait 30 ans à peu près. Y a-t-il aux États-Unis encore des personnalités qui se réclament d'elle et de son utopie et qui boivent ses paroles et qui les appliquent? Ben, c'est plus que ça. Oh bon? non seulement il y en a encore, mais ils sont vraiment sans gêne. Par exemple, ce sénateur de l'Idaho qui, la semaine dernière... C'est tout récent. A déposé un projet de loi qui obligerait tous les étudiants à lire le livre d'Anne Rand, Atlas Shrugged, ou en français La Grève, comme condition pour obtenir leur diplôme. Alors, si tu n'as pas lu cette Bible, tu ne peux pas avoir ton diplôme. Mais au-delà de... Évidemment, c'est une anecdote qui est quand même sérieuse et grave. On s'aperçoit que dans l'ensemble du monde, depuis l'ère de Reagan-Thatcher, en fait, depuis la mort d'Ayn Rand, qui coïncide avec le début du pouvoir des néolibéraux... Des débuts 80, là, c'est ouais, ça? La plupart des mesures législatives ont évolué dans le sens de la philosophie qu'elle défendait, c'est-à-dire forte diminution de taxes pour les plus riches, affaiblissement des syndicats, déréglementation, privatisation du bien public, puis érosion des mesures de protection sociale, puis perte, surtout, perte du pouvoir des élus au profit de celui des grandes corporations. Mais avec, il faut bien le dire, là, en bout de ligne, avec l'application de toutes ces mesures de déréglementation, on aboutit à ce qu'on a vécu il y a 3-4 ans, c'est-à-dire la plus grave et la plus longue crise économique depuis la Grande Dépression des années 30. Alors ça, c'est le fruit qui tombe de l'arbre. Tout à fait, hein? Mais c'est justement des effets de cette philosophie-là et la crise aux États-Unis dont nous allons parler au retour de la pause. Alors, nous allons entendre une petite musique. Alors, vous venez d'entendre Mechanic of Growth, donc le mécanique de croissance du groupe d'Adobe. Alors, vous écoutez Le Grain de Sable et Valérie Blouin qui est avec vous jusqu'à 13h et je suis en compagnie de Robert Jasmin et qui nous entretient de sa chronique au niveau de l'actualité des États-Unis. Entre autres, on vient d'aborder, en tout cas, tu viens de nous faire découvrir Madame Ayn Rand et de tout son, l'impact en fait qu'elle a eu, la grande influence qu'elle a eu sur toutes les politiques, en fait, les applications, l'économie, le système économique, en fait. Oui, puis c'était en terrain mûr pour recevoir cette parole. Dans les années 80, parce ouais. que l'idéologie fondamentaliste américaine, c'est le pionnier, celui qui se débrouille tout seul, celui qui tire son épingle du jeu, et elle a tablé un peu là-dessus. Puis il n'y avait pas de tradition aux États-Unis de collectivisme quelconque. Et sauf que cette Madame Rand, il faut le dire, là, elle oublie un élément essentiel. Elle semble prétendre que les grandes corporations, les dirigeants économiques, les milliardaires se sont créés tout seuls. Mais ce qu'elle oublie, c'est que les grandes corporations n'ont pu être créées et vivent que par des lois qui leur ont permis de naître, de vivre. Juste un exemple extrêmement concret. La corporation qui veut développer une entreprise quelconque dans une région, on va répandre la mythologie du fait que cet entrepreneur s'est développé lui-même, puis est parti de rien et avec rien. Je m'excuse, mais les gens qui travaillent pour cet homme-là ont été éduqués pour pouvoir travailler. Et l'éducation vient d'un effort collectif, vient de l'État. Cette personne a pu bénéficier de routes qui ont été payées par la collectivité pour que ses camions puissent se rouler d'un point A à un point B. Donc, c'est un mensonge, finalement. C'est un mythe. Elle sous-estime, dans le fond, toute la part du gouvernement et de l'État. Exactement. Elle en fait fi complètement. C'est comme si, dans le fond, aux États-Unis, dans les années 80, l'État n'intervenait pas. C'est ça. Exactement. C'était pas vraiment le cas. Ce qu'il faut dire, c'est que les lois ou l'absence de lois, ou des lois permissives ont pu faire en sorte que ces gens deviennent des milliardaires. C'est parce que l'État n'est pas intervenu qu'on a pu construire ces monstres de la finance. En terminant là-dessus, il y a vraiment une grande disparité sur l'augmentation des revenus bon, du particulier versus ces grandes corporations-là, les milliardaires. Je pense que c'est sorti dernièrement dans un rapport, là, mais on voit vraiment depuis les années 80, d'ailleurs. Oui, mais l'écart, c'est partout. Hein? Oui. Donc, le deuxième sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, donc, être américain n'est pas très bon pour la santé. Mais voyons, ça se peut pas. C'est le titre d'un article publié par le journal américain Alternet sur le web. Alors, est-ce que c'est si vrai qu'il ne faut pas être américain si on veut être en santé? Ben, il semble que ce soit vrai parce que si on se fie au numéro de janvier, c'est pas n'importe quelle revue, là. The Journal of the American Medical Association. C'est un peu le summum des informations médicales aux États-Unis. Oui, puis quand on est publié en tant que scientifique oui, là-dedans, là, c'est vraiment une grande victoire. Ce journal de l'Association médicale américaine nous apprend que les Américains sont plus malades et ont une espérance de vie plus courte que les autres pays riches. Ah oui. Et là, ça vaut la peine quand même de le dire. Quand on dit les autres pays riches, là, que ce soit en les comparant aux pays les plus semblables à eux, pardon, comme l'Angleterre, le Canada, l'Australie ou le Japon, ou bien des pays scandinaves, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, les États-Unis arrivent bon dernier. Alors, c'est un peu utopique de dire, de vanter le système de santé un peu aux États-Unis, ou ça serait de les prendre en modèle? Bien, on verra qu'il y a un paradoxe, là. Mm-hmm. Alors, est-ce que l'OCDE n'a pas aussi publié un rapport qui va dans le même sens? Oui, l'OCDE, dans son rapport récent, confirme exactement ça, mais en donnant des précisions. Les États-Unis arrivent au dernier rang en matière de mortalité infantile, en matière de protection pour les frais médicaux. Ça, on le savait, hein, l'absence d'assurance maladie. Même le nombre de médecins au prorata de la population arrive au dernier rang. Puis en matière de, bon, si on prend par exemple des préventions des maladies cardiovasculaires, c'est les derniers aussi, ah, en oui. termes de politique mm-hmm. là, des gouvernements. Les États-Unis ont le plus haut taux de cas de diabète chez les 20 ans et plus, le plus de maladies transmises sexuellement, et aussi, et c'est connu, le plus haut taux d'obésité. Enfin, puis c'est pas une surprise, surprise non. pour personne. Oh, non, vraiment pas. Le plus grand nombre de décès causés par armes à feu. Ah ouais, non, ça, il y a tellement eu d'histoires dernièrement là-dessus. Alors, les Américains peuvent toutefois se consoler. Les choses vont tellement mal pour certains pays européens qui sont aux prises avec, on le sait, les dettes imposées par les criminels de la haute finance, que ces pays ont décidé de privatiser leurs services de santé. Donc, eux aussi emboîtent le pas. Eux aussi emboîtent le pas avec cette idéologie néolibérale qui préfère les profits à la vie des gens. Alors, il est possible que ces pays qui adoptent la manière américaine descendent dans l'échelle et se disputent la dernière place aux États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est pas parce que ça irait mieux chez eux qu'ils monteraient dans l'échelle, mais parce que ça irait plus mal chez les autres. Ailleurs. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mais il semble que les gens, ils vont pas quand même se laisser faire. Est-ce que c'est ça qui arrive ou est-ce que dans d'autres pays comme l'Espagne? Oui. Alors, je pense que si on a vu les informations de la semaine dernière, dimanche dernier, les médecins, les infirmières, les professionnels de la santé sont descendus dans la rue par dizaines de milliers. Mais c'est quand même pas tous les jours qu'on voit les médecins descendre dans la rue. Non, non. Pour manifester contre quoi? Contre la privatisation, entre autres, de 40 grands hôpitaux en Espagne. Ah, wow. Donc, privatiser les hôpitaux. Les gens ont compris que leur pays a été victime d'un gigantesque hold-up perpétré par ceux qu'on appelle, avec justesse, selon moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, les banksters internationaux. C'est comme ça qu'on retrouve... Ben, c'est, en fait, les gangsters, là, oui, oui, c'est trop petit. Oui, oui, c'est oui. trop petit pour être employé. Là, c'est des banksters. C'est rendu des banksters. En fait, puis aussi, il faut dire que c'est pas seulement qu'en Espagne. Là. Les mêmes combats se mènent en Grèce. Alors, on dirait que c'est un peu triste à dire, mais plus la crise est forte, plus les gens se mobilisent. En fait, on devrait se mobiliser avant qu'il y ait la crise. Souvent, mais bon. Les gens, on se mobilise quand on a le mur. Exactement. Juste, j'aimerais mentionner que Michael Moore, qui a fait quand même un documentaire, ça s'appelle Malade. Oui. Et justement, il comparait les systèmes de santé à travers le monde. Donc, il y avait lui, c'est un Américain, donc États-Unis, Canada, France, Angleterre. Mmh. Et il vantait vraiment, justement, il était vraiment étonné de savoir, ah, vous rentrez dans les hôpitaux, puis vous n'avez pas besoin de payer. Mmh. Donc, c'était vraiment dans sa tête. Lui, il ne pouvait pas s'imaginer ça. Non. Il fallait qu'il le voie pour oui. le croire. Ah, oui, oui. Non, c'est vrai, c'est un film à voir. Hein? Oui, beau documentaire. Oui. On peut poursuivre aux États-Unis. Donc, comment on peut expliquer que ce pays est considéré comme à la fine pointe en matière médicale? Il y a des grands chercheurs, là, des sommités, mais ils se retrouvent à la queue du classement en matière des soins médicaux. En fait, oui, c'est un paradoxe. Puis ça expose toute la situation de discrimination de classe qu'on retrouve dans tous les domaines de la réalité sociale aux États-Unis. C'est vrai. C'est le pays des grandes avancées médicales. Le nombre de prix Nobel de médecine, ils ont raflé la majorité des prix à travers le siècle. Mais les bénéfices de ces grandes avancées ne profitent qu'aux plus riches. Ceux qui peuvent se payer. Alors, quand on parle des inégalités de revenus dans une société, c'est pas seulement des statistiques. Ces chiffres se traduisent par des effets concrets sur la population. Et on voit que l'inégalité se traduit aussi par le nombre de morts qui auraient pu être évitées. Ah oui. Alors, la preuve, c'est que ces morts sont moins nombreuses dans les autres pays à développement égal. Alors, pourtant, hein, d'un côté, les plus grandes avancées scientifiques, puis de l'autre côté, le plus grand nombre de personnes qui sont laissées pour compte. Oui, c'est très paradoxal. C'est paradoxal, mais ça reproduit l'inégalité de tout dans cette société-là, pas juste des revenus. À chaque fois que je t'ai en entrevue et qu'on parle des États-Unis, j'ai toujours l'impression qu'il y a une partie de fiction dans ce que vous racontez, mais malheureusement, je pense que ça se traduit dans la réalité. Oui. Mais on aimerait que ce soit de la fiction. Oui, tout à fait. Donc, je vous remercie, Robert Jasmin. Alors, on se dit dans un mois. Oui, avec plaisir. Oui, alors, Michel, maintenant, on va passer maintenant aux événements à surveiller cette semaine. Oui, Valérie, les événements à surveiller, en commençant par un événement qu'on avait signalé l'an passé, Partez Bénéfices pour le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec. Ça, c'est organisé par des athlètes qui participent au Pentathlon des neiges. Et les profits ramassés lors du party vont être remis au Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec. Alors ça a lieu au 350 5e rue au sous-sol des Pénates à 19h comme je le mentionnais. J'ai oublié de dire en passant que tout ça, si les gens cherchent les différentes activités à Québec, peuvent se rendre sur le réseau, le calendrier média de la démocratie en action. C'est le réseau du Forum social de Québec, Chaudière-Appalaches. C'est réseauforum en un seul mot, .org. / grille, tradition, calendrier. Lundi 25 février, ça va être fort intéressant. C'est une soirée relation. Et la soirée s'intitule « Temps de rupture, le printemps érable en perspective ». Le Centre Justice et Foi, en collaboration avec les Amis de Québec, les Amis de la Terre, pardon, de Québec, vous présente cette soirée relation. Les panélistes, Catherine Dorion, qui est auteure, comédienne et diplômée en relations internationales, Dominique Boisvert, qui est membre fondateur du Réseau québécois pour la simplicité volontaire, et auteur du livre Rompre, le cri des indignés. Et ça, c'est sur Éco-Société, c'est paru en 2012. Et André Beauchamp, qui est théologien environnementaliste et auteur du livre « Changer la société ». Ça, c'est paru sur Novalis en 2013. Alors, ça va être fort intéressant, cette soirée. Il va y avoir, évidemment, présentation par les auteurs, suivie d'une discussion. Ça a lieu au 870 Avenue Salaberry, à la salle Michel Jourdan. C'est la salle 325, pour ceux qui sont habitués au lieu. Il y a une contribution volontaire qui est demandée de 2 à 5 $. Lundi 25 février, ça aussi, ça va être fort intéressant. Le devoir de débattre, et là, ça va être un peu déchirant parce que ça a lieu en même temps que la soirée relation. Quel féminisme en 2013? Alors, c'est avec le Musée de la civilisation. C'est une série de débats publics en lien avec des questions traitées. Et évidemment, comme le 8 mars approche, on va traiter de féminisme. Où en est le féminisme en 2013, au fond? Ça a lieu à la chapelle du Musée d'Amérique française, hein, c'est dans le Vieux-Québec. C'est à 19h. Il y a un coût, 10 $ pour les abonnés du Musée de la civilisation et étudiants, 8 $. Il y a une réservation requise au 418-643-2158. Mardi 26 février à Montréal, au sommet de l'éducation, il va y avoir une manifestation pour une éducation libre, accessible et gratuite. Il y a des transports prévus de Québec. J'ai pas les lieux exacts, mais les gens pourront aller sur le... Justement, on va mettre les liens. Les gens pourront aller sur le calendrier du réseau et voir exactement ce qu'il en est. Mardi 26 février, 18h30, Assemblée générale du réseau du Forum social de Québec, Chaudière-Appalaches. Et il va y avoir un tour de table pour ceux qui sont intéressés. Tout le monde peut s'y rendre, au fond. Un tour de table sur les enjeux principaux des groupes, une introduction à Idle No More et l'adoption du plan d'action 2013. Encore là, on va mettre un lien vers l'endroit où va avoir lieu cette assemblée générale. Et je signale finalement l'affiche. Je l'avais signalée la semaine passée, mais c'est bien d'y revenir. L'affiche, c'était au théâtre Périscope et c'est sur l'impact de l'occupation de la Palestine. C'est jusqu'au 23 février, mais si non, pardon, c'est du 25 février au 1er mars. Et évidemment, peut le souligner à l'avance, le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Oui, merci beaucoup, Michel. Mmh. Alors, ça clôt maintenant notre émission avec sur les événements à surveiller. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces informations sur le site de CKRL, l'onglet programmation, et vous cliquez sur Le Grain de Sable, vous allez avoir la balado-diffusion. On a également un blog, legraindesable.qc.org, et une page Facebook. N'hésitez pas à réagir et à nous commenter les sujets de la semaine sur la page Facebook ou également sur le compte Twitter Grain de Sable QC. Alors voilà, vous pouvez donc c'est ça, c'est tout pour moi, Valérie Blouin qui était avec vous. J'aimerais également, juste en terminant, remercier Michel Monette à la réalisation et aux choix musicaux. Également à notre invité Yannick Marcel aujourd'hui, donc économiste qui est économiste et qui a également un blog, le Punko, un moment. Punkonomie. Oh, merci beaucoup. Je n'ai pas écrit sur cette feuille. Évident, en fait, non, mais je ne trouvais plus le mot. Ouais. Et voilà, donc qui est également à Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, qui à chaque semaine nous fournit un superbe éditorial sur un sujet choc de l'heure. Et également, j'aimerais remercier Robert Jasmin qui nous a encore une fois entretenu sur l'actualité économique, socio-économique et politique des États-Unis. Alors, vous pouvez écouter le tout si vous avez manqué l'émission aujourd'hui, donc sur notre, donc en balado diffusion. Alors, je vous dis à la prochaine, à samedi prochain, même heure, midi. Alors, maintenant, je vous laisse avec la magnifique Olivia Vu qui va vous, avec son émission Conte de fées et avec ses invités qui va vous charmer avec ses nombreuses histoires. Alors, à bientôt! Restaurant Latena vous offre un menu diversifié tel que les pizzas, brochettes, poulet frit, pâtes, sous-marins en plus des à côté, nos délicieux clubs et poutines. Restaurant Latena, ouvert tous les jours dès 7h pour offrir une variété de petits déjeuners. Restaurant Latena, situé au 2980 1ère Avenue, pour combler votre appétit matin, midi et soir. Sur place ou en livraison, 418-525-5509. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente les Matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e Avenue et au 289 Saint-Joseph. 418-977-7571. La boîte à pain Café Napoli, un savoir-faire qui se goûte. Si vous cherchez du théâtre trash, n'écoutez pas ce qui suit. Deux semaines après l'éternité, une pièce où il n'y a pas de sac, pas de violence, même pas de sang, juste un peu de sexe. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant. En fait, ça parle d'une femme qui a rien dit pendant 40 ans, mais qui finit par parler. Puis son mari, qui est mort depuis deux semaines, il finit par l'écouter. C'est un show de vieux. Deux semaines après l'éternité, texte et mise en scène de Patrick Saussier au Studio P, du 27 février au 3 mars. Coproduction du Théâtre du Transport en commun de Québec et la compagnie Asphodel de Limoges, en collaboration avec le bar Le Sacrilège. Les billets en vente à la porte, en argent comptant seulement. Ils prennent même pas les cartes! Non, c'est un show de vieux. Russie, quelques années avant la Révolution. Des bourgeois passent leur été dans leur datcha. Oui, j'ai attendu assez longtemps. J'ai payé assez cher le droit de parler. On m'a arraché tout ce qu'il y avait de bon en moi. Laissez-moi finir. J'ai écouté vos idioties tout l'été, cette fois c'est vous qui écoutez. Il faut que nous changions. Il faut penser à nos parents, c'était des travailleurs. Ils ont tellement souffert pour nous donner une belle vie. Les Estivants, de Maxime Gorky.